qui le matin caresse les pentes du coudon, le galbe du pharo, et vers le front de mer où les palmiers paraissent. Se pose sur la vague qui joue autour des galérons, à vibrer le bonheur sans en chercher la cause. Vivre heureux comme un moko sur Toulon, au pied du cabot. Explose, passionné par le cuir d'un ovale ballon, noir et rouge rugby comme la ville rose. Vivre heureux comme un moko sur Toulon, au pied du cabot. Sentir les ombres et l'essence de l'eau. Vivre comme un moko, vivre comme un moko, comme un moko, les pieds dans l'eau. Que j'aime voir le cours charrier jusqu'à la rade, le long de ses étals.